la ligne au fond, celle qui sépare l'océan des nuages, celle qui ne vous donne jamais raison. On l'appelle éperdument l'horizon. C'est comme prétexte. Ils nous rend juste un peu jaloux de ceux qui franchissent la ligne, alors que sur le port on reste. Ils nous en cachent des trésors, nous en épargnent des cauchemars. Nous en avons des illusions, il n'y aura que des illusions. Depuis notre existence fragile, l'humain se sent capable. L'acquis s'avère inutile, la découverte indispensable. Les contrées, les traditions, les magasins, les courants, les classes rares, les avenues, les avenues, les magasins, les grandes rues, les vallées, les magasins, les traditions, les religions, les gens. Tant d'éléments si différents pour une si petite planète, trop d'objets si ressemblants pour une si grande comète. L'exotisme nous fait peur, l'exotisme nous donne envie. Tout dépend de la chaleur et du rythme de vie. Comme je sais plus qui disait, les contraires s'attirent. Comme je sais plus qui disait, qui se ressemble s'assemble. Là-bas Noël n'est pas en décembre. Ici nous mangeons des vaches sur des cendres. Sans l'horizon, plus d'espérance, sans exotisme, plus de romance. Dans cette ligne qui nous frustre, en regardant loin devant nous, nous n'y verrions qu'une ombre rustre, notre propre dos. Sans cette ligne qui nous frustre, en regardant loin devant nous, nous n'y verrions qu'une ombre rustre, notre propre dos. Nous deviendrions fous.